France. Je suis né sur ton territoire, mais la réalité n'est pas celle de tes livres d'histoire. Car on nous ment chaque jour avec tout ce qu'on nous montre. Et il faudrait tendre chaque joue et s'abaisser quand le ton monte. Douce France, je crois bien que tu t'es trompé à faire couler le sang pour mieux te vanter de l'avoir estompé. Mais laisse tomber tous les anciens qui se sont battus. Et toi, t'ériges leur mémoire avec de vulgaires statues. France, tu crois que je vois pas tes manigances. Derrière ton élégance, tu dissimules l'arrogance. Regarde ton peuple danse. Mais sur quel pied? C'est sûr qu'on n'est pas aussi bien organisé que dans leur putain de guépier, ouais. Douce France, moi je voudrais raccourcir le trajet qui nous sépare pour dire tout ce que j'ai de coincé dans la trachée. Mais c'est traché, quotidiennement on doit cracher, cravacher, toujours pour les mêmes connards à la cravate tachée. Douce France, regarde comment circule ta monnaie, elle qui remplit de plus en plus les poches de ceux qu'on connaît. Je te promets qu'on veut avancer sans se faire éperonner. Je suis étonné quand on me dit que les derniers seront les premiers. Douce France, tu mérites pas ta majuscule à nous laisser lasser, à veiller tard jusqu'au crépuscule et finir par dire qu'en fait tout ça c'est ridicule. Pourtant on spécule sur l'épaisseur de notre pécule. Douce France, si je le pouvais je partirais, car je crois bien que de toi je n'ai plus rien à retirer. Je mentirais si je disais que je ne souhaite pas m'en tirer. Excusez-moi si parfois mon esprit est saturé.